Chapitre 21e, Stonington, Grande cataracte du Potomac. Le plus grand plaisir que je m'étais promis en allant à Washington était de voir une très ancienne amie qui avait quitté l'Angleterre depuis bien des années et qui s'était mariée en Amérique. Elle était alors veuve et, à ce que je croyais, établie dans cette ville. J'eus bientôt la mortification d'apprendre qu'elle n'y demeurait pas, mais je ne tardais pas à découvrir que sa résidence n'en était pas à plus de 10 000. Nous allâmes la voir, et il fut convenu que nous passerions l'été avec elle dans le Maryland. Et après avoir donné un mois à Washington, nous partîmes pour aller à Stonington. Nous y arrivâmes dans le commencement de mai, et le bon accueil que nous y reçûmes, l'intérêt que nous inspira la famille de mon ami quand nous eûmes fait sa connaissance, l'extrême beauté des environs et la douce saison où nous étions, firent de notre séjour en cet endroit un temps de véritable jouissance. Je ne suis pas surprise que les premiers colons qui s'établirent en Virginie, ayant à leur tête l'audacieux capitaine Smith de mémoire chevaleresque, aient combattu si vigoureusement pour déposséder de ses beaux domaines le vaillant père de Pocahontas, car je n'ai jamais vu de territoire plus séduisant. Stonington est à environ 2 000 du point le plus romantique du Potomac, et la Virginie étale son paradis sauvage, mais superbe et très fertile, sur la rive opposée de cette rivière. Ses bords, du côté du Maryland, ne sont pas moins remarquables, et nous fûmes frappés d'étonnement à la vue de la profusion de fruits et de fleurs sauvages que nous y trouvâmes. Nous n'étions pas depuis bien longtemps à portée de la grande cataracte du Potomac, quand nous fîmes la partie d'aller la voir. Le chemin qui conduit de Stonington traverse des paysages auxquels on peut à peine donner le nom de forêt, de parc ou de jardin, mais qui réunissent ces trois caractères. Nous étions accompagnés d'une jeune Anglaise qui avait tout récemment quitté son pays, et elle s'écria « Oh, combien de dames en Angleterre seraient fières d'un pareil jardin ?» Elles auraient raison de l'être. Des cèdres, des tulipiers, des platanes, des sumacs, des genévriers et des chênes de diverses espèces, la plupart nouvelles pour nous, ombrageaient le chemin que nous suivions. Des vignes sauvages, avec leurs belles et grandes feuilles, et leurs fleurs, dont le parfum égale celui de réséda, s'entrelaçaient à leurs branches. Des fraisiers en pleine fleur, des violettes, des anémones, des pensées, des œillets sauvages, et une foule d'autres fleurs encore plus jolies que mon ignorance ne me permet pas de nommer, couvraient littéralement la terre. L'arbre de Judée, le cornouiller dans toute sa gloire de fleurs en étoiles, l'azaléa et le rosier sauvage éblouissaient nos yeux. De quelque côté que nous les tournassions, cette route de 2 000 est la plus fleurie que j'ai suivie de ma vie. Le bruit de cette cataracte s'entend de Stonington, et l'accroissement graduel de ce son est un des très agréables de cette promenade délicieuse. Je ne sais pourquoi le bruit d'une chute d'eau plaît tellement à l'oreille. Tous les autres sons monotones ont quelque chose qui fatigue et qui harasse l'esprit. Mais je n'ai jamais rencontré personne qui n'aimât écouter le bruit d'une cascade. Il fallait traverser une rivière rapide, nommée Branch Creek, avant d'arriver à l'endroit d'où l'on voit la cataracte pour la première fois. Les eaux troubles, bruyantes et courroucées de ce petit ruisseau, coulent à travers des arbustes toujours verts et chargés de fleurs. On le traverse à plusieurs reprises sur des troncs d'arbres jetés d'un rocher sur un autre, et le bruit assourdissant de la cataracte encore invisible fait naître, pendant qu'on passe sur ces ponts grossiers, une idée de danger qu'ils sont à peine faits pour inspirer. Après avoir traversé le Branch Creek, nous continuâmes à marcher à l'ombre d'arbres verts pendant un quart de mille, et tout à coup nous vîmes un spectacle qui nous arracha tous un cri de surprise et de plaisir. Les profondeurs rocailleuses d'une rivière immense s'ouvrirent à nos yeux, et les rochers noirs qui l'abordent sont si énormes que les torrents d'eau mugissante qui se précipitent entre eux et qui les couvrent y paraissent engloutis et perdus. La rivière, ou pour mieux dire son lit, est en cet endroit d'une grande largeur et d'une profondeur effrayante. D'énormes masses de rochers noirs, de toutes les formes imaginables, l'encaissent de toutes parts. L'eau qui tombe parmi eux avec le bruit du tonnerre ne se montre que par intervalles. Ici, c'est une grande nappe d'eau verte et limpide tombant en ligne droite et sans interruption. Là, elle se précipite dans un canal étroit avec une violence qui fait qu'on ne peut ni voir ni écouter sans éprouver des vertiges. Dans un endroit, c'est un étang sans fond dont la surface est un miroir noir comme de l'encre. Dans un autre, l'eau tourmentée et divisée forme, en se précipitant, une douzaine de torrents, à demi cachés par le brouillard de rosée qui en rejaillit et qui s'élève bien haut dans les airs. En dépit de tout ce fracas, les arbustes les plus délicats et les plus charmants se montrent au milieu de ces rochers hideux comme des enfants souriant au sein même du danger. Tandis que nous regardions cette scène imposante, un de nos amis nous fit remarquer que l'aune à poison et la vigne vénéneuse étendaient avec grâce leurs branches perfides sur tous les rochers, et nous assura qu'une foule innombrable de serpents y trouvent leur sombre demeure. Donner à cette scène l'épithète de belle serait un étrange abus des termes, car tout ce qu'elle offre à l'œil et à l'oreille inspire la terreur. La cataracte du Potomac a quelque chose de sublime et d'imposant. Le gouffre sombre et profond qui est ouvert devant vous, les mugissements de la cascade écumante, le tourbillon rapide des eaux, la hauteur effrayante des rochers, tout semble menacer la vie et épouvanter les sens. C'était pourtant un grand plaisir que d'être assis sur une pointe de rocher en saillie, de voir et d'écouter. Je fus charmé d'apprendre que c'était sur la rive du Potomac, qui borde la Virginie, que les habitants de Washington, qui courent après le plaisir, se rendent pour voir cette merveille effrayante. Car je n'ai jamais vu un endroit où j'aurais moins aimé l'ennuyeux « Comment vous portez-vous » d'une rencontre accidentelle. On ne pouvait même prononcer le joli « N'est-ce pas charmant ?» dont parle Rousseau, car où ces mots ne seraient pas entendus, ou s'ils frappaient l'oreille, ils ne feraient aucune impression sur l'esprit entièrement absorbé par la magie d'une telle scène. Un regard, une pression silencieuse sur le bras, voilà la seule manière de communiquer les sensations que fait éprouver une telle scène. Et au milieu de ma terreur et de mon plaisir, j'aurais voulu rencontrer la main ou le regard de quelques amis qui étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. On s'éloigne d'un tel spectacle plus calme, plus silencieux qu'on est arrivé. Mais la fraîcheur de l'air, le doux coloris de quelques fleurs épanouies, les pétales des autres qui se ferment, le bourdonnement sourd des insectes qui survivent au jour, la douce rosée qui empêche le pied de se fatiguer au retour, tout cela a sa jouissance et semble en harmonie avec cet état mixte d'exaltation et de fatigue qu'une semblable excursion ne manque jamais de produire. Et quand vous entrez sous le portique frais, éclairé par la lune, le sang garce à la glace ou le café encore plus bienfaisant qui vous attend est une nouvelle source de délices. Si l'on y ajoute le bonheur d'un bon sofa et une amie comme ma charmante Mrs. S. qui charme le temps à l'aide de Mozart, l'Européen le plus difficile peut convenir qu'une telle journée valait la peine qu'on s'éveillât.